France Inter, le 13-14. À 13h55 sur Inter, c'est le vif de l'histoire et on parle théâtre. 6 personnages en quête d'auteur. La pièce de Pirandello a été créée il y a 100 ans, en 1921. Depuis 20 ans, la mise en scène d'Emmanuel de Marcimota ne cesse d'être jouée, reprise actuellement au Théâtre de la Ville à Paris. Jean Lebrun, c'est une œuvre au long cours. Oui, quand on pense que Hugues Kester a reçu le prix du meilleur acteur pour cette mise en scène, et ce jeu du personnage du père, il y a 20 ans. Alors Pirandello, en 21, écrit avec la régularité d'un métronome en basculant d'un genre à l'autre. Toutefois, la première de 6 personnages au théâtre Vallier de Rome, il surpend vraiment son monde. Il est arrivé à ses spectateurs de voir du théâtre dans le théâtre. Mais là, quand ils ont pris place dans la salle, ils se sont retrouvés face à un rideau levé, sur un plateau nu, encombré de quelques éléments de décor épars. Et le spectacle a commencé avec un machiniste qui clouait une planche à grand bruit, tandis que le directeur l'entretenait de banalité, lui apprenant tout de même que le théâtre était tombé bien bas, qui en était réduit à préparer une œuvrette de Pirandello. On comprend que, d'emblée, le public romain avait été pris d'une certaine agitation. Pirandello était habitué, lui, à venir assister aux répétitions de ses pièces. Il avait eu l'idée de raconter comment les choses s'y passaient entre directeur, personnel et comédien. Sauf que surgissait sur la scène un groupe en habit noir de deuil, encombré de valises, apparemment désemparé. C'était le père, Hugues Kester, la mère, la belle-fille, le fils, etc. Ils prétendaient être des personnages que leur auteur avait laissés inachevés et qui en cherchaient un autre plus consciencieux qui les finirait. Ils s'offraient comme matière première au directeur jusqu'à affirmer très vite qu'ils étaient en réalité plus intéressants que les comédiens qui tenteraient de les interpréter. Il faut entendre Hugues Kester dans le rôle du père affirmer « Un personnage a toujours sa vie propre, il est toujours quelqu'un, tandis qu'un homme, en général, peut n'être personne. Chacun des personnages vient bientôt présenter sa vérité, contradictoire, multiple, qui excède les possibilités des comédiens, et la pièce devient impossible à monter. » Alors, à cet instant de la première représentation, 1921, on crie dans la salle « Bouffon, au cabanon !» Des partisans de Pirandello montent à l'assaut des loges, où se sont regroupés ses adversaires. Enfin, à moins que ce soit l'inverse, c'est toujours l'incertitude. On n'est pas au bout de nos surprises. Jean, le père va en venir à des révélations qui vont faire exploser les cloisons de sa famille. Oui, alors, il faut avoir vu Hugues Kester, toujours son chapeau sur la tête, son visage hâve, son pardessus élimé, il s'avance. Avec lui, c'est du free jazz. On ne sait jamais à quelle note il va parvenir après la précédente. Le père devrait incarner la rigueur, l'autorité, mais il avoue que c'est par lui que passe le désordre qui secoue tout depuis le début de cette pièce funeste. N'a-t-il pas eu, avec sa belle-fille, une relation sexuelle qui touche à l'inceste et sa transgression a fait entrer en malédiction les personnages. Il fallait de l'audace pour dire ça sur une scène en 1921 en Italie. Sauf que Pirandello refusait de se livrer personnellement. Vous désirez quelques notes biographiques ? J'ai oublié de vivre, au point de ne rien pouvoir dire sur ma vie, si ce n'est peut-être que je ne la vis pas, mais que je l'écris. Ainsi parlait-il à son premier traducteur. Celui de la mise en scène d'aujourd'hui, François Regnault, laisse entendre cette ambiguïté qui explique le succès persistant de la pièce. Que s'est-il passé dans la famille de Luigi Pirandello à l'époque de son père Stefano ? Luigi lui-même a eu un fils, Stefano encore, qui lui-même composa une pièce intitulée « Un père, il en faut bien un ». On s'y perd, mais c'est justement cette incertitude, j'y reviens, qui est le ressort de la pièce. 6 personnages en quête d'auteur au Théâtre de la Ville à Paris. Merci, à demain, Jean Lebrun. France Inter.